Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Blues Café en live et en public. Bonsoir Francis. Bonsoir Cédric. Ce soir, figure-toi Cédric, tiens-toi bien car nous recevons une sorte de mutant, une bande de mutants ici. J'ai lu d'ailleurs quelque part que ce trio était la rencontre entre Fred McDowell et un tractopelle. Drôle de croisement en effet. Disons plutôt que ces musiciens ont plongé leurs racines blues dans les eaux du Mississippi pour les propulser dans le 21e siècle. Leur univers est sale et poisseux. Bah forcément. Dirty Deep, c'est la traduction en anglais. Absolument, et Dirty Deep se compose de Victor Romazzo, je ne l'ai pas bien prononcé, mais c'est pareil. À la guitare et à l'harmonica. Victor Binot à la batterie. Et Adam Lonfray à la basse. Mesdames et messieurs, Dirty Deep sur la scène du Blues Café Live. Tell me who that's riding, John the Revelator. Tell me who that's riding, John the Revelator. Tell me who that's riding, John the Revelator. Wrote the book of the seven seals. You know that God walked down at the cool of a day in Colorado by his name. And he refused to answer, cause he was naked and ashamed. We'll be right back. Dirty Deep. Ils sont dans le Blues Café Live ce soir. Vous écoutez bien le Blues Café Live. Nous sommes ici au Millennium de l'île d'Abo avec le groupe Dirty Deep qui était sur la scène en live ici devant un public en délire. Et on va demander à Victor de nous rejoindre puisque nous allons parler avec lui du groupe, de l'histoire du groupe et également de leur tout dernier album. Voilà, Dirty Deep qui est nos invités ce soir. L'album s'appelle What's Flowing in My Veins. Une histoire qui a commencé en 2010, d'abord en one man band avec toi, Victor, qui était en solo. Rapidement, ce fut un duo avec Geoffrey à la batterie. Geoffroy. Geoffroy, pardon. Et maintenant, un trio avec Adam. Ça va terminer en orchestre symphonique ? Je sais pas, seul l'avenir le sait. Mais alors justement, pourquoi cette évolution ? Partir de sol en duo puis en trio ? Alors je voudrais juste dire une petite chose, c'est que en effet Geoffroy c'est batteur hein, qui vient habituellement, mais qu'il est remplacé ce soir par, par Victor. Un autre Victor, puisqu'il y a eu une grosse bagarre dans le groupe, je crois qu'il est resté sur le carreau. Donc Geoffroy, c'est ça. Il s'est battu avec un verre et il a perdu apparemment. Donc il avait évidemment des problèmes de main et c'était un peu gênant pour faire de la batterie. Alors tout pourquoi cette évolution ? L'évolution est simple, c'est qu'à la base, moi je viens d'un petit village, pas de Strasbourg mais d'un peu plus au sud, et j'avais plein d'amis musiciens mais personne ne voulait jouer avec moi. pour la bonne et simple raison que c'était pas le style musical que... qu'ils écoutaient, qu'ils voulaient faire, et ils étaient tous à fond dans le punk. Et alors s'il y a des gens dans le public qui veulent adopter Victor, je laisse mon numéro de téléphone après dans la petite boîte à côté de la porte. Bon, en tout cas, on imagine bien que passer d'un one man band à un trio, ça change pas mal sur le plan musical, non ? C'est plutôt mieux, ouais. Oui, mais ça oblige à faire des changements, notamment dans les arrangements. Oui, du coup les changements sont simplement qu'on travaille à trois maintenant, et au lieu d'avoir une tête pensante, on est trois. Oh là là. Donc on essaie de s'accorder un peu, mais en général on y arrive plutôt bien. Il y a eu un vrai changement de style en tout cas, votre premier album date de 2012, Back to the Roots. Tout à fait. Du coup il était en mode one man band celui-ci. One man band, enregistré sur bande, tout en live, voilà. En deux jours. Le dernier s'appelle What's Flowing in My Veins. Il y a quand même une vraie évolution sur le plan musical. Ce dernier album sonne beaucoup plus rock que le premier album que tu avais fait en 2012. C'est vrai. Après, j'ai aussi appris à faire de la musique entre les deux. j'ai commencé la musique assez tard, en fait. J'ai commencé en 2011, du coup, en 2010. Donc, du coup, le premier album, ça faisait 2 ans que je faisais de la musique. Donc, du coup c'était un peu plus compliqué de faire des choses... poussé, on va dire. Alors, dans les deux morceaux qu'on vient d'entendre, mais il y en aura naturellement d'autres, on perçoit déjà quelques influences, mais j'aimerais que tu les développes un peu. Bon, je sens bien, là, il y avait le John Revelator, oui, qui était un grand classique, mais on sent bien qu'il y a des gens comme Left Lane Cruiser, enfin le groupe, peut-être Scott Ashbyram ou d'autres. Je suis complètement très fan des deux que tu viens de citer. Et d'autres peut-être aussi. Oui, après d'autres dans la scène musicale blues garage actuelle, il y a C6 Steve, Mark Porkchop, les Black Diamond Ivies ou James Legg, qui sont tous des groupes signés sous le même label américain qui s'appelle Alive, qui est basé en Californie. Après, il y a bien sûr les choses plus vieilles de blues. On va dire traditionnel. Je suis un grand fan de Johnny Hooker, Muddy Waters, Little Walter, tout ça. Les légendes. R.L. Burnside. Je suis plus du côté Hill Country, on va dire, ce que je préfère. D'ailleurs, plusieurs à privilégier ça. Il y a un morceau, je ne sais plus, Going Down South. Hein. Qui est c'est pas du tout une reprise, mais le titre est complètement piqué de R.L. Burnside. Ouais. Ouais, voleur. C'est ça. Mais je m'en cache pas. J'aime bien voler des choses. Cachez vos portefeuilles. tu cites beaucoup de références de blues, alors peut-être que tu te sens obligé parce que tu es dans une émission de blues, mais... Absolument pas, c'est parce que j'en écoute, je pense, à peu près 90% de mon temps. Mais c'est vrai qu'à côté, je suis un énorme fan de Kurt Cobain, par exemple. Ouais. Je suis un grand fan de Nirvana, je suis un grand fan de Queen of the Stone Age. Moi, j'ai retrouvé, justement, c'est ce que j'allais dire, notamment avec des titres comme How I Ride, très rock. J'y ai retrouvé beaucoup d'influences rock des années 90. Peut-être même Rage Against the Machine, j'ai ce nom qui est venu en tête quand j'ai écouté l'album. Ouais. Je suis très très fan aussi. Adam aussi est un énorme fan de ce groupe. Eve aussi, non ? Alors, il y a ce troisième album dont j'ai la première version, parce que tu nous expliqueras pourquoi il a été réédité avec un autre visuel, What's Flowing in My Veins. Alors, on se demande justement ce qui coule dans tes veines. S'il y a des douaniers ici, rien d'illégal. Sinon, non, c'était vraiment en référence au blues, à l'univers Bayou du sud des États-Unis, Nouvelle-Orléans, tout ça. C'est pour ça qu'on a fait une pochette avec un univers musical très oui, visuel et musical très... Mais c'est pas celui qui est en vente maintenant. Non. Puisqu'il a été réédité. Alors, je ne sais pas si c'est une histoire de changement de label, de droit ou quoi, mais en tout cas... Le doigt est tombé directement dessus. C'est complètement une histoire de changement de label. D'accord. On a voulu donner une deuxième chance un peu à l'album avec une séparation douloureuse du premier label qui a sorti celui-là. Oui, donc du coup, le nom, si c'était Elprod, non ? Tout à fait. D'accord. Je voulais éviter de les citer, mais ils écouteront sûrement jamais. C'est dit. Il y a aussi un nouveau visuel. Il y a complètement un nouveau visuel, oui. Et on reste malgré tout dans cette atmosphère. On reste dans cette atmosphère. Avec le, alors, j'ai pas sous la main, et puis c'est pas très radiophonique de montrer un. Non, album, mais c'est pareil, c'est un alligator, tout ça, tout qui mange les enfants dans le sud. Et lorsqu'on refait une. Quand on réédite comme ça un album, est-ce qu'on en profite pour changer un peu certaines choses ? Un remixage, oui. Un remasterisage ? Oui, alors il a été entièrement remasterisé. On a rajouté 4 morceaux dessus, notamment John the Revelator. Et ben, les deux premiers morceaux qu'on vient de jouer ont été rajoutés dessus. D'accord, vous avez commencé par la fin là. Ce soir. C'est ça. D'accord. Par la fin de l'histoire, ouais. Merci, on en parlera avec toi de nouveau tout à l'heure. On va te demander de regagner. Le plaisir m'incombe. Le vanille t'incombe. C'est bien, les gens qui parlent bien alsacien. On retrouvera Dirty Deep. Dirty Deep sur la scène du Blues Café dans quelques instants. Avant, on va faire une petite pause musicale avec un nouvel album. Vous savez que dans le Blues Café, on aime bien aussi vous faire découvrir quelques nouveautés. On voudrait vous faire découvrir un album qui s'appelle Super Sonic Blues Machine. Moi, je trouve que déjà, c'est un nom qui claque. C'est un nouvel album. Il s'appelle California Soul, sur laquelle on retrouve une pléiade d'invités. C'est vraiment la mode actuellement. Et on retrouve d'ailleurs un peu les mêmes partout. Et on retrouve d'ailleurs les mêmes que sur leur précédent album. Notamment Billy Gibbons de ZZ Top. Il y a également Eric Gales, Walter Trout et Robin Ford, que l'on retrouve sur ce titre Somebody's Fool. If you've ever been somebody's fool, you'll understand my mind. If you've ever been somebody's fool, they own you side to side. Another sucker punch. Folks keep on testing me. Vous êtes bien dans le Blues Café Live. Nous sommes ici au Millennium à l'île d'Abo. Et tout de suite, sur la scène du Blues Café, on retrouve Dirty Deep. Ouais. Et ce soir, notre invité dans le Blues Café Live. Merci beaucoup. Going down south. Out of my eyes in all true city. Merci beaucoup. Vous êtes bien dans le Blues Café Live. Et le blues, il y en a qui le chante, il y en a qui le joue, mais il y en a aussi qui l'écrivent, parfois. Et nous avons le plaisir, le grand plaisir, je vais vous demander d'applaudir Daniel Léon, qui est là parmi nous et qui sort un premier roman après une multitude d'autres écrits. Un roman que je tiens là, tout en haut, et qui s'appelle « Charlie n'est pas mort en vain », sorti le 15 octobre dernier. Alors, il faut peut-être présenter qui est Daniel Léon, puisque nous, on le connaît bien. Daniel, tu es journaliste, tu es également animateur à Radio Kaléidoscope, tu es chroniqueur à Soulbag, tu es écrivain et correcteur aux éditions Glénat, donc un homme de plume avec deux passions, le blues et la montagne. Est-ce que j'ai oublié des choses ? Oh, tu as été parfait, comme d'habitude. Merci messieurs, d'abord. Merci beaucoup, c'est super gentil de m'avoir fait venir, évidemment. Et oui, premier roman sur le blues, ben voilà. Quoi, oui, fallait, parce que tu as écrit de nombreux livres, comme vient de le souligner Cédric, notamment sur la montagne. Et là, c'est un premier roman. Pourquoi une envie d'écrire un roman, déjà ? Oh, c'était en gestation depuis pas mal de temps. J'avais envie de faire quelque chose sur cette musique qui me passionne, qui est magnifique à tout point de vue, sur ce que je considère comme un art et une culture, quelque part. Donc, j'ai eu envie de raconter l'histoire d'un personnage autour du blues, effectivement. C'est une histoire qui se passe dans les années 30. Donc c'est l'histoire d'un Afro-Américain, d'un jeune Afro-Américain, d'un adolescent qui va être confronté au blues un peu malgré lui, qui est issu d'une famille, qui est fils de pasteur, donc qui est plutôt destiné à un avenir brillant, qui n'a rien à voir avec le blues, et puis pour de sombres histoires, de meurtres, de choses comme ça, et bien qui va être plongé là-dedans, qui va découvrir Charlie Payton, parce que Charlie, c'est Charlie Payton, évidemment. Je croyais à un moment donné que c'était Charlie Watts, je comprenais pas, parce qu'il n'est pas mort. Non, il n'est pas... Mais pas encore. Pas encore. Donc voilà, donc, j'ai voulu raconter cette histoire, c'est fictionnel, évidemment, mais bon, bien sûr, le blues est un prétexte, on va dire. Oui, il y a un fil rouge et ce héros qui s'appelle Julius Deacon. Julius Bacon, oui. Bacon ou Deacon, je ne sais plus. Bacon. C'est le mais diacre. Mais il déconne peut-être aussi parfois. Mais il déconne pas mal. Hein. Puis Deacon, c'est le diacre. Bacon, c'est le phare, c'est la lumière. Ouais. Donc voilà, et il va trouver la lumière à travers le blues, et puis il va un petit peu, malgré lui, comme ça, s'ériger en quelque sorte en héritier de Charlie Payton qui décède au moment où Julius va découvrir lui le blues, et comme ça, progressivement, et ben, c'est un petit peu son histoire avec quelques vicissitudes qui vont l'amener justement à être un peu l'héritier de Charlie Payton. D'ailleurs, ça s'appelle le blues en héritage en sous-titre aussi, c'est pour ça. Donc j'ai eu envie de raconter un peu ça. Les années 30, c'est une période importante aussi, parce que c'est une période charnière, c'est une période de crise. Oui, aux États-Unis. Économique. Alors, il est question évidemment de ségrégation, de choses comme ça, de post-esclavage, parce qu'évidemment, l'esclavage, c'était un peu avant. Mais voilà, j'ai voulu essayer de raconter un peu tout ça. Est-ce que c'est un roman qui s'est nourri de tes propres voyages aux États-Unis ? Est-ce que tu es allé là-bas ? Est-ce que tu es allé repérer des endroits qui t'ont inspiré tout au long de l'écriture de ce livre ? J'ai pas fait tant de voyages que ça aux États-Unis, mais c'est vrai que le peu que j'ai fait, ça se déroule à des endroits où je suis allé, effectivement, hein, dans ce qu'on appelle cette fameuse région du Delta, qui est entre Memphis et Vicksburg, hein, c'est-à-dire qui suit le Mississippi au nord, au sud de Memphis, donc qui est censé être le berceau du blues. Hein. C'est pas une division géographique, une entité géographique, mais en tout cas, c'est une région dans laquelle sont nés la plupart des grands créateurs de ce fameux Delta Blues, le blues original, dont Charlie Payton, évidemment, est un petit peu le père fondateur. Quoi. Un peu aussi une référence du groupe Dirty Deep. Avec John the Revelator en introduction, qui était en plein dedans, là-dedans, évidemment. Ouais. Est-ce que c'est pas trop difficile quand, comme toi, on est un spécialiste du blues, on n'aime jamais tellement ce terme-là, mais non. Quand on écrit un roman, est-ce que c'est pas trop difficile de ne pas tomber dans le pédagogique, justement. Sans doute, on pourra me le reprocher peut-être aussi. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup documenter les choses. Hein. Les nombreux livres que tu as fait sur ou corriger sur la montagne. Oui, j'ai fait pas mal de bouquins aussi. Et je m'intéresse énormément à l'histoire, donc j'ai voulu aussi un petit peu raconter cette histoire. Alors, bien sûr que mon bouquin est pas mal documenté aussi, et j'ai eu envie que ça se déroule et que ça traite de choses à des endroits qui existent. Hein. Y a pas bien sûr, les noms sont inventés, les personnages sont fictionnels, mais par contre, les endroits où ça s'est passé, et à l'époque où ça s'est passé, ont parfaitement existé, bien sûr. Ça s'inspire, j'imagine, également des rencontres que tu as pu faire, parce qu'en étant... Chronique Soulbag, tu as eu l'occasion de rencontrer pas mal de bluesmen. Je me souviens, moi, on s'est rencontrés d'ailleurs lors d'une interview commune qu'on avait fait ensemble de Eric Bibb, c'était il y a quelques années sur le festival de Tulin. Est-ce que quand tu as écrit, ces personnages aussi ont trotté dans ta tête? Ah bah complètement. De toute façon, moi, je remercierai jamais assez les musiciens. Jamais assez ceux qui font cette musique. Hein. C'est pas nous qui la font. Hein. Il faut être clair. Qui la faisons. Donc c'est vraiment grâce à ces musiciens, grâce à eux, grâce à ces artistes que j'ai pu écrire ça effectivement. Et de toute façon, dans ce bouquin, je raconte aussi de multiples histoires, de multiples artistes que certains il y a plein de gens qui connaissent ici le blues, reconnaîtront, même s'ils ont d'autres noms, évidemment, bien sûr. Ce sont les musiciens qui portent ce bouquin complètement. Si tu devais citer quelques noms, des rencontres qui t'ont vraiment marqué aussi en tant que chroniqueur, tu penserais à qui, par exemple? Ah oui, moi, t'as cité Eric B, mais il y a eu des gens comme Clifton Chenier. Il y a eu moi, j'ai eu la chance de rencontrer B.B. King, évidemment. Donc ça marque. Des gens comme Joe Louis Walker, des gens, on en parlait il y a encore quelques minutes, quelqu'un comme Robert Lockwood Jr. Donc des gens qui ont et puis bien sûr Honey Boy Edwards, qui sont des gens qui ont eu une partie de leur carrière à cette époque-là, dans les années 30. Donc j'ai eu la chance de rencontrer ces gens-là qui étaient souvent octogénaires à cette époque-là. Et donc ce sont des mémoires, ce sont des témoins. Et d'ailleurs, on les retrouve là-dedans, bien sûr, complètement. Alors justement, quand tu dis là-dedans, mais c'est ce roman qui s'appelle « Charlie n'est pas mort en vain ». Mais tu as écrit aussi en dessous le blues en héritage. Alors tu avais peur que ça soit pas assez explicite. Bien sûr, oui, parce qu'on a changé le titre aussi. Hein. Au début, ça s'appelait, on peut le dire, ça s'appelait la mort de Charlie Patton. Et puis on s'est dit, mais Charlie Patton, quand même sorti du contexte blues, les gens ne savent pas qui c'est, quoi. Donc on a changé. On a dit, ce sera juste Charlie. Après tout, bon. Ça, c'est... Et puis le blues en héritage, oui. J'avais envie que le mot blues apparaisse quelque part quand même. De toute façon, c'est aussi important parce que je revendique ça. Puis très très modestement, j'ai envie de rendre hommage à ces gens-là, à cette musique. Donc j'ai envie qu'on sache que je parle de blues là-dedans et que je rends hommage à ces bluesmen. Moi, tous les bouquins que je fais, de toute façon, c'est un peu ça, mais c'est avant tout un hommage, quoi. Avec un roman qui se serait appelé Charlie, tu aurais pu faire un hebdomadaire plutôt. Je pense que ça aurait pu marcher. On me l'a déjà faite là depuis quelques temps. Là, c'est vrai que, et c'est marrant parce que quand on va sur Google et qu'on commence à rentrer le truc, dès la première page, Charlie Hebdo apparaît partout. mais j'adore Charlie Hebdo, donc il n'y a aucun problème. Donc ça s'appelle Charlie n'est pas mort en vain, le blues en héritage, chez Daniel Léon. Une petite dernière question, chez qui c'est publié et est-ce que c'est fait un compte d'auteur? Oui, c'est un bouquin auto-édité, donc dont il existe une version papier, voilà, et une version numérique, donc. Bah, il suffit d'aller sur Amazon et de taper le titre hein, et on trouve ça très facilement hein, donc. Donc double édition numérique et papier, alors après chacun fera son choix, voilà. Est-ce que c'est aussi pardon, je voulais juste terminer avec le fait de faire un livre en auto-édition. Est-ce que c'est aussi pour toi le moyen de démarcher peut-être un éditeur et puis avoir un Charlie 2 n'est toujours pas mort en vain? Alors moi je veux pas tout révéler hein. Mais c'est un bouquin qui peut appeler une suite, ouais. C'est un bouquin qui peut appeler une suite. Et bon, moi j'aimerais bien, oui, effectivement. Et si un éditeur vous laisse présenter, pourquoi pas. On a fait quelques démarches, hein, faut aussi être honnête. Bon, après l'édition, c'est un monde complexe, compliqué. C'est pas très très facile. Mais j'en sais quelque chose puisque j'ai travaillé dans ce secteur pendant pas mal d'années. Oh, c'est sympa, quoi. C'est sympa d'avoir. Mais c'est bien. Aujourd'hui, on a l'avantage, on a des technologies qui nous permettent d'éditer nous-mêmes des bouquins et avec un résultat qui me satisfait personnellement parce que je savais pas ce que ça donnerait hein, en termes de d'édition papier. Hein. Je l'ai découvert comme n'importe qui. On en a acheté un nous-mêmes, hein, tout simplement. Et finalement, on arrive à faire des bouquins de cette façon-là. Donc, et pour les gens qui n'ont pas des moyens, de gros moyens, bah, c'est une très bonne façon que d'éditer un bouquin et de réaliser sa passion. Moi, j'ai pas de prétention. Moi, je suis très heureux de l'avoir fait. J'espère qu'il plaira. Et puis voilà. Merci Daniel d'être venu en parler avec passion et avec ta fougue habituelle. Ben merci à vous, messieurs. Merci à vous et merci à ces musiciens qui, encore une fois, sans eux, on serait pas là, les gars. Hein. Merci Daniel. On va retrouver Dirty Deep dans quelques instants. Juste avant, encore une nouveauté dans le Blues Café. Un groupe qui s'appelle The Sideshow Tragedy, un duo blues rock roots qui nous vient tout droit d'Austin et je pense que ça va plaire à nos amis de Dirty Deep, le temps qu'ils s'installent et on les retrouve juste après dans le Blues Café Live. We'll be right back. never get it right, but then I never even tried. You can't get to salvation if you never even died. And I'll take what I can get, I'll take it all. Thinking about crime, lies and the law. I mean, I know that I'm nobody, but still in awe. You think I know a little about. My mouth is always open, my empty face and my broken teeth give me away in high relief. There's nobody else out on the road tonight, just me and my memories looking for a fight. But I don't hate nobody, in fact I can't even move. I think I'm getting better, but I can't prove it. And I'll take what I can get, I'll take it all. Thinking about crime, lies and the law. I mean, I know that I'm nobody, but still in awe. You think I know a little about it. Nous sommes toujours ici au Millennium de l'île d'Abo et nous recevons ce soir le groupe Dirty Deep. Et nous avons autour de cette table Victor et Adam qui vont nous parler de ce troisième album. Il s'appelle What's Flowing in My Vein. On l'a dit tout à l'heure, c'est une virée assez heavy rock. Adam, comme ton prénom l'indique, tu n'es pas le premier. Effectivement. Tu es arrivé le second dans le trio, ou le troisième même. Je suis arrivé, dans le troisième, c'est ça. T'es arrivé bon troisième, ouais. Ouais. Comment ça s'est passé? Quand même sur le podium, donc ça va. Comment ça s'est passé cette rencontre? Vous connaissiez avant? On se connaissait de par le milieu musical strasbourgeois, où on se connaît tous un petit peu. Et il se trouve que la véritable rencontre musicale a eu lieu alors que je faisais un concert avec un autre duo, à l'époque où Dirty Deep était un duo. Et on avait le batteur en commun, donc Geoffroy. C'était, oui. Il y avait donc deux duos qui jouaient, mais avec le même batteur. Du coup, on avant s'est dit... Avant qu'il s'abîme la main. Voilà, c'est ça. Donc on s'est dit, pour le dernier morceau de ce concert, on va jouer tous les trois ensemble. Et c'était tellement évident que on est resté à trois. Quoi. Mais alors toi, Adam, tu viens du milieu peut-être plus rock aussi, non? Je fais pas mal de rock, oui. J'ai d'autres projets où je chante aussi, où je fais de la guitare, ce genre de choses. Donc ouais, je viens... Pas mal du rock. Après, j'ai fait aussi d'autres choses. Est-ce que tu t'es retrouvé donc dans le répertoire de Victor, parce que c'était essentiellement le tien au départ, ou est-ce que vous avez commencé à travailler et arranger ensemble? Alors en fait, j'ai dû faire un concert où j'ai repris les anciens morceaux de Dirty Deep, le tout premier. Ouais. Et tout de suite après, genre 15 jours après, on a écrit le dernier album tous ensemble. Donc c'est... principalement un répertoire qu'on a écrit ensemble, mais il y a quelques morceaux qui restent encore de l'ancienne période que j'ai eu plaisir à mettre de la basse dessus. En tout cas, vous aimez le son un peu rude, hein. Influence aussi peut-être pour toi ou Geoffroy de rock metal peut-être un peu aussi. Oui, effectivement. On est des grands fans de, par exemple, Pantera, un groupe qui nous a beaucoup influencés quand on était adolescents. Geoffroy, lui, a beaucoup joué dans des projets de metal et de hardcore dans sa jeunesse. Mais ça se sent sur quelques titres justement de cet album. Je pense notamment au morceau How I Ride. Oui. Qui est quand même un bon déluge de décibels. Hein. Alors là, c'est même Geoffroy qui a écrit le riff de guitare dans ce morceau, qui lui est très influencé par cette culture métal. Et il a des très bonnes idées de riff de guitare également, en plus d'être un très bon batteur. Alors ce qui est intéressant quand on écoute votre album, c'est que vous faites quand même vraiment la fusion entre ce côté rock et le côté assez vaudou du blues. C'est vraiment ce concept-là que vous essayez de développer avec Dirty Deep, jusque même dans le son. En fait, on essaye d'explorer plein de choses qui ont trait avec le blues et de pas rester enfermé dans un seul endroit. C'est quelque chose qui nous est assez cher, d'essayer des choses assez trad, des choses plus vaudou justement, d'aller jusqu'à des trucs presque métal. On essaye de garder la racine du blues, mais de ratisser le plus large possible, quoi. C'est une scène qui est assez développée justement en Alsace. Je dirais pas très très développée, non. On a quelques très très bons musiciens de blues plus traditionnels. On a aussi des gens qui font des trucs un peu rockabilly, des gens qui font de la musique country. Peut-être que vous connaissez Thomas Schoeffler notamment. Bah oui, évidemment, il est venu ici, Thomas Schoeffler. Ouais. Bad Juice aussi, qui sont de très bons amis, qui sont un duo guitare-batterie extraordinaire. Victor, donc comment... Tu mènes un peu la danse quand même, hein, tu vois. Alors juste, je suis un très mauvais danseur. Si, je t'ai vu, mais c'est peut-être pour ça que tu es assis. Justement, pourquoi tu joues assis ? Pour entretenir mes hémorroïdes. Bien. Bien, autant pour moi. Hemorrhoid blues. plus simplement, en fait, j'ai commencé, comme j'ai dit avant, la musique relativement tard et j'ai appris à jouer assis sur mon lit. Et j'arrête pas de coucher aussi, heureusement. Des fois, j'étais un peu couché, mais ça, c'est vraiment quand j'étais très fatigué. Et l'idée d'amener ton lit sur scène, est-ce que c'était quelque chose que tu as... Ouais, alors le problème, c'est que je dors à poil. Donc, ah du oui, coup, donc c'était un peu compliqué. C'était problématique. Non, mais en fait, j'ai jamais acheté de sangle de ma vie et j'étais très bien à jouer assis au bord de mon lit. Donc finalement, j'ai opté pour la formule rester assis. On l'a jamais reproché, par exemple, à B.B. King sur les dernières 20 ans de sa carrière, donc je me suis dit qu'on le ferait pas pour moi. D'accord. Parce qu'il donc tu considères que c'est les dernières 20 ans de ta carrière, du coup. La légende dit 27 ans, du coup il m'en reste deux. Mais ce sera deux très bonnes années. Alors sur cet album, il y a un titre, je me suis posé une question. Ah. Oui. La question. Le Messing Around, je voudrais savoir si c'est la reprise... assez rock quand même dans votre album de Memphis Slim. Absolument pas. Bon. Et donc ben, en fait, vous avez une tradition dans le groupe, c'est que vous piquez les noms des titres. Non, je pense que s'il y a une tradition dans le blues, c'est qu'ils se piquent des noms entre eux assez régulièrement. Et par exemple, citez-moi au moins 5 Magic quelque chose. Oui, c'est ça. Simplement, c'est un morceau que j'ai écrit parce que je me suis fracassé la tête dans un bar. Et que j'ai fini à l'hôpital avec cette pointe de suture sur le front. Je me suis dit que j'avais un peu chié dans la colle. Donc je voulais parler dans de ce ça. Groupe, il y a Victor qui se fracasse le crâne, Geoffroy qui se fracasse la main. Ça va toi, Adam ? Moi ça va, c'est le dos des fois, mais globalement on s'en sort. Bon, en tout cas, ce titre, Messing Around, que j'ai adoré moi personnellement, et il dégage une espèce d'atmosphère de festive, un peu comme laissons le bon temps rouler finalement. C'est parce qu'on laisse le bon temps rouler pendant qu'on le fait. Ouais. La preuve, je l'ai un peu trop laissé rouler pour écrire ce morceau. On vous remercie beaucoup Dirty Deep, en tout cas d'avoir parlé de ce tout dernier album. On invite bien entendu les auditeurs et le public ici à vous retrouver sur internet et à aller vous voir en concert, ça vaut le coup. On vous propose de retrouver la scène du Blues Café Live et on rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le www.bluesactu.com si vous voulez retrouver l'ensemble de nos podcasts et regarder également... Les vidéos qui sont filmées par T&Bo Blues Organization, qui sont là encore ce soir. Et je crois qu'on peut d'ailleurs les applaudir très fort parce que se frayer un chemin dans cette salle, c'est pas facile. Merci beaucoup. son of sorrow. You light to my days to lie down my shadows now. You make me feel like I don't have wings to fly away. You make me brought my feelings, enlighten my days. Oh, yeah. Dreams away, so I'm keeping going.

soir, la 123e émission du Blues Café avec Dirty Deep. Un grand merci à tous ceux qui rendent cette émission possible. Le studio Magneto qui est à la réalisation de cette émission. Le Tienbo qui assure les captations vidéo. Merci à l'équipe du Millennium et un grand merci également à la mairie de l'île d'Abo qui nous permet d'être ici ce soir. Rendez-vous le mois prochain et d'ici là, retrouvez-nous sur le www.bluesactu.com. Ciao, ciao.